Une feuille morte et un billet court bien. Avec un stick, c'est bien. Quand on cogite et ça hérite nos propres mains. J'ai pas besoin d'un clip de Nélatrix sur plusieurs paires de seins. J'ai pas l'envie de bif pour une musique qui porte les siens. Donne-moi juste de l'inspi, des mots qui font que l'on inspire. À des vies meilleures qu'on a le cœur et pas le pire. Garde le sourire si on respire, qu'y a pas de peur, qu'y a pas de pire, qu'y a pas de cible, juste des guéguerres avec des morts de rire. J'ai pas l'envie de peine, j'ai pas l'envie de haine, j'ai pas l'envie de rêve, car on n'a pas besoin de règne. J'ai pas l'envie de guerre, et pas l'envie de faire. Autant de massacres que les aînés aient leur besoin de faire. Une jeunesse de l'amour, sans loi et sans discours. Sans l'envie de pouvoir, car on a fait le tour. Sans être, on veut l'avoir, et on n'a pas la foi. De reconnaître ses droits, on connaît que le désespoir. On a juste foi dans la haine, on a juste soi dans la tête. Trop de mirages qui nous entourent et qui s'enroulent sur une image qui n'a pas d'âge mais qui n'a pas non plus d'amour. On a juste foi dans la haine, on a juste soi dans la tête. De ne rien, j'ai pas besoin, je veux la simplicité. Ça le fin qui se dessine, le béton qui se résigne. Ça dessine à la distance, et le muet qui se désigne. On entend une devise, si t'as pas faut que tu désires. Le mérite ça se révise, et au vu de ma vie c'est loin d'ici. Alors je m'en fous, je gratte, une balade au son de la gratte. Ça paraît crade, mais c'est bien plus beau dans mon crâne. Imagine un crash, toutes les banques qui se craquent. Toute la thune qui se crève, la fortune qui se braque. J'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de nom. J'ai juste envie de temps, j'ai juste plein de questions. J'ai pas besoin de jeu, j'ai pas besoin de jeûne. Je ne suis pas de ceux qui ferment les yeux mais qui regarde pour vaincre. J'ai pas besoin de juger, j'ai pas besoin de police. J'ai pas l'envie de vice, pas l'envie de supplice. Avec ou sans église, car sur la vie je mise, je la trouve plus osée. On a juste foi dans la haine, on a juste soi dans la tête. Trop de mirages qui nous entourent et qui s'enroulent sur une image qui n'a pas d'âge mais qui n'a pas non plus d'amour. On a juste foi dans la haine, on a juste soi dans la tête. De ne rien, j'ai pas besoin, je veux la simplicité. On a juste foi dans la haine, on a juste soi dans la tête. Trop de mirages qui nous entourent et qui s'enroule sur une image qui n'a pas d'âge mais qui n'a pas non plus l'amour. On a juste foi dans la haine, on a juste soi dans la tête. De ne rien, j'ai pas besoin, je veux la simplicité.